Bonjour à tous. Aujourd'hui, salade façon romaine pour 4 personnes. 2 salades sucrines, une petite trévise, 8 pièces de tomates séchées, 200 g de copa coupée très fine, 100 g de copeaux de parmesan, 8 pièces de tomates cerises coupées en deux, du persil haché, 2 cuillères à soupe de vinaigre balsamique rouge, 4 cuillères à soupe d'huile d'olive et de la fleur de sel. Coupez les sucrines en 4 dans le sens de la longueur. Ajoutez quelques feuilles de trévise, les dressez au fond des assiettes avec un peu de fleur de sel. Arrosez de vinaigrette, ajoutez des tranches de copa, des tomates séchées, le parmesan, le persil et décorez avec des tomates cerises. Vous pouvez aussi ajouter quelques croûtons frits, un petit vin conseillé, un bordeaux blanc supérieur à boire avec modération.